Some of you people have problems. Your life is in disarray. You're troubled. Tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde s'enlace sur ce genre.